Bah ça y est, je crois que c'est parti les gars. Bon, alors. Bon, et on est là. Cassius FM 98.2, 22h 1h de lundi à jeudi. Mettez vos cassettes. On va commencer par un petit Cassius mix, Cassius in the mix pendant une bonne petite demi-heure. Hubert au sampleur, Philippe derrière les platines. Toi qui chauffe la salle et Pedro. Pedro. Ils ont ouais, c'est Cassius mon poteau là. Bon, on alors bien laisser parler. Eh hey, Hubert en selle. Bon, hey, on va arrêter de parler pendant une demi-heure, on se reparle tout à l'heure. FM. Vas-y, monte le son. Yeah. Cassius in the mix.

Monte le son, c'est Cassius FM. La Cassius FM sur FG, voilà les premières 25 minutes, Pedro. Eh, c'est bien parti ou pas? Bah écoute, moi je trouve plutôt. Hein. Bon, on est là jusqu'à jeudi, 22h, 1h, Cassius in action. Bon là, on a débuté par un petit mix de Boom Bass and Star. Old school, new school, Philippe. Voilà, oh qu'est-ce qui se passe là? Oh les gars, vous endormez là ou quoi? Alors bon, hey, un petit décompte, là vous êtes 788 dans le studio. Et 825 000 à avoir appelé. Au 22. Il n'y a plus de cadeaux à gagner. Non, hey, rien à gagner. Hey, blague à part, mais il y aura des cadeaux à gagner tout à l'heure. Ah ouais. Des petites surprises. Quoi. Une nuit entière avec Pedro. Bon, ouais. Bon, hé. Hey. Bon, des bonnes petites chansons là quand même. Bah ouais, c'était bon, Boom Bass au sampler, on a bien kiffé. Et bon bah là c'est le It's time for the commercial pour les pubs. Et on retrouve Romain juste après. Et on retrouve Romain BNO juste après. Yeah. Radio Pirate. Radio Pirate. Cassius FM. Cassius FM. Radio Pirate. Sur FG. Salut les copinos, salut les copinettes. Et les amis, il y a quand même Mehdi qui vient d'arriver. Ah ouais, DJ Mehdi. Voilà, dans les studios. Il est à l'heure. Oh. Et le public en folie. Oh là là là. Mehdi est là. L'équipe de foot est au complet là, c'est bon. Et il y a Roro qui est là aussi, le père Romain. Yes! Donc voilà. Bon, alors. On a tout dit, Pedro. Envoie ton petit jeu. Alors. Bon, alors le petit jeu. Bah, toujours, moi je tombe toujours sur les blagues pourries, quoi. Bon, alors, non, Philippe, Hubert. Ouais. Bon, là on écoutait un petit peu de musique. Moi je voulais qu'on discute un peu. Faites-nous partager un peu vos goûts musicaux quand même. On est là pourquoi? On est là quand même avant tout. Pour célébrer la sortie de Orève, le nouvel album de Cassius quand même. C'est aujourd'hui. Ok. Non mais c'est vrai quand même, merde. C'est vrai. Okay, Pedro. Bon, Orève, l'album, il est sorti aujourd'hui. Foncez l'acheter. C'est de la folie quoi. Donc, oh le pépé. Non, c'est bien, vas-y. On est là quand même pour ça. Et toi, on a fait un petit trip avec FG qui nous donne l'antenne. Ça c'est bien cool. Pendant une semaine, de lundi à jeudi. 98.2 Cassius FM quoi. Voilà, on vous met des petits sons derrière nous quand on parle. Alors justement, c'est moi quoi qui les commande? Ah, c'est toi. C'est les petites maquettes des vieux morceaux qu'on n'a jamais mis nulle part. Ouh là là, c'est le moment d'enregistrer et de faire des bootlegs. Et qu'est-ce que je voulais dire? On va aussi se faire écouter les morceaux qu'on aime bien cet ainsi là. Ouais, il y a Mehdi, il fait ce qu'il veut, s'il veut faire un mix ou s'il veut il nous fait écouter les morceaux. Mehdi, tu te sens comment? Qu'est-ce qu'il veut le Mehdi? Il est venu pourquoi le Mehdi? Il est venu là comment? Il avait la lumière. Mehdi, rapproche-toi du micro, sinon on t'entend pas. Bonsoir. J'ai rien particulier à dire non plus, hein. Donc je me rapproche. Bah, bonsoir aux auditeurs de Cassius FM. Voilà, présente pas le salaud, dis bonjour quand même. Cassius FM 98.2. Mais ouais, Cassius sur FG. Voilà. Bon, on le répétera jamais assez. Ok, on fait écouter quelques morceaux qu'on aime bien. Romain, est-ce que toi t'es chaud pour mettre un morceau maintenant là? Bah, Romain. Romain, il a dit qu'il était bon. Ah, il est prêt. Hein. Alors, allez, on découvre. On découvre un petit morceau qu'il aime bien, c'est ainsi. C'est parti. You wanna lick, lick, I want some dick, dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. When you start humming, humming, that's when I'll be coming, coming. Lick that clit, suck it, find a slit and fuck it, fuck it. Grab my ass, squeeze it, rub my pussy, please it, stick it in, quick, quick. Ooh, I want some dick, dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Baby, don't be playing, here's just what I'm saying. Move your ass, work it, won't you let me jerk it. Take off your clothes, suck on my toes. Don't you wanna lick, ooh, I want some dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. That don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit, that don't fit, work that dick, work that dick. Ooh shit.

Cassius FM. Avec un guest exceptionnel, Romain Béano. We'll be right back. du bon son là. C'est pas Romain qui mixe là. C'est Romain, Romain il assure là. C'est Instant Replay. C'est bien le petit son là. Qui est-ce qui assure grave? Romain? Romain est pas réglé. Moi je le trouve plutôt cool ce mec là. Au début tu voulais pas l'inviter, bon moi j'ai insisté. C'est Hubert qui m'a, tu vois, la valise en carton sous l'oreiller, pleine de billets, tout de suite j'ai craqué. Tout de suite il a. Bon, c'était quoi? Moi, je connais pas les disques que t'as mis, donc je voudrais juste. Ça, c'était. J'ai mis du Booty électro. Du Booty là! Tout le monde le sait, l'électro, ça dure depuis 80 en fait. Et ça arrête pas d'évoluer en fait. Là, c'est récent, c'est très récent ça. En fait, ouais, c'est des trucs récents, fin d'il y a un an, deux ans. C'était la grosse tendance en fait. Il y a eu la Ghetto House à Chicago. Et puis après, il y a eu la Ghetto à Detroit. Et électro en fait. Après, c'est bon ça. Booty. C'est bien. On a entendu le soir là, on a trippé. Ouais, on s'est tous levés là. Bah, le public est en feu quoi. Le public, vous êtes là ou quoi? Ouais. Ah, ils sont partis s'acheter un peu. Il manque les plus nerveux. Ils reviennent. Faut rappeler les boxeurs là. Et tu te rappelles, c'est le dub de Dinopolis qu'on entend derrière. Et Vous avez fait encore? C'est un truc d'un morceau qu'on a sorti, mais ça c'est un dub, j'ai retrouvé hier soir, on l'a mis dans l'instant replay. Incroyable, la chance qu'on a là. Un truc de 1977. Waouh. Wow. Ouais. C'est alors, le jour où j'ai rencontré l'oncle d'Hubert. Okay, alors Romain, et puis quoi d'autre encore? Il y avait c'était du Booty, que du Booty en fait. Non, il n'y a pas eu que du Booty. Il y a eu que du Booty. Le dernier morceau c'était c'est Tony Sylvester, c'est comment il s'appelle? Patrick Adams qui produisait ça. Non, Patrick Adams, le poteau de Leroy. Leroy Burgess, notre copine. Le frère de Brian. Et le cousin d'Antonio Di Napoli. Bon, et c'est quoi le programme maintenant alors? Eh ben voilà. Je sais pas alors. La funkiness totale. Est-ce que on fait quoi? Les morceaux qu'on aime bien là, on va se mettre les disques qu'on aime bien. Bah, Hubert, tu lui mets un morceau que tu kiffes là, Stancy alors. Ouais. Attends, excuse-moi, c'est temps-ci. Il va passer. C'est un vieux truc qu'il va nous mettre. Mais là. Est-ce que tu sais ce qu'il va mettre déjà toi? Ah ouais, merde. Non. Et Romain, toi aussi, t'as prévu un morceau que t'aimes bien, Stancy ou pas? Ouais, bien sûr. Bon. Y a pas un plan pub ou quoi? Non, on a encore le temps de mettre. Ouais, on a le temps d'en mettre un là. Yo. On a encore le temps d'en mettre un? Ouais. Bon, Hubert. Jean-Jérôme, il a dit oui là. Bon. Oh! C'est trop bien l'instant triplet! C'est éclate. Bonjour, c'est l'instant triplet. On donne pas le titre tout de suite du morceau là, du morceau préféré d'Hubert? Non, on donne pas le titre, t'es fou. Bon. On donne le titre après? En fait, on donne pas les titres de toutes les chansons qu'on a jouées. Mais c'est pour ça! Moi j'ai mis un peu de Black Baxter. Non, mais trop tard, il a mis une heure. Laisse tomber ton plan là. Hein? Laisse tomber, c'est trop tard. Ok. Hubert, boom bass, vas-y. Fais péter. Oh là, c'est quoi ça? Alors attends. Attends, si, le clip là. Vas-y, coupe le micro. George Michael, Pedro, là, George Michael. Pète les plombs, micro, allez, pète-le. We Elle était bonne, ma blague George Michael. Ouais, c'est bonne ta blague George Michael. C'est quand même mieux que George Michael, hein, sérieux. Ouais, c'est quand même mieux que George Michael. Ça rigole pas, ça. Ouais, on n'est pas là pour casser le pleur Georgie. Ouais, Georgie n'est pas les boules. George, dédicace à toi. Dédicace quand même, mais dédicace aussi à Adamski. Et Syl, le chanteur quand même. Et ouais, bien sûr, ouais, le chanteur avec Mylène Farmer. Merde. Il a fait ça? Ouais, bah ouais, grave, ça surtout. Vous l'avez déjà entendu, Adamski? En DJ, non, pas encore une seule fois, non. C'est un très bon DJ, ouais. Mais il chante super bien, il a une voix incroyable aussi. Non, non, c'est Syl qui chante, man. Ah, Syl, ouais, merde. Adamski, c'est vrai, c'est notre Adamski. Oh là là. Genre, ouais, c'est mon morceau préféré. Son morceau, il est bien. Toute sa carrière, je vais tout vous raconter. En plus, c'est ton morceau, carrément. Ton morceau préféré, quoi. Il quitte son foyer, battu par son père, qui est dans l'alcool et dans la drogue dure. Bon. Bon, les mecs. Cassius FM, hein. C'était pas mal, le morceau de Beru, hein. Oh là, ça a mis la patate ici, quoi. Moi aussi, la patate. On est 12 là. Tout le monde s'éclate. Par contre, maintenant, ils nous regardent tous comme des blaireaux. En attendant qu'on dise un truc hallucinant, quoi. Alors après, on va écouter un autre morceau. Ouais. C'est quoi? Ah ouais, c'est le mien? Bah ouais. Après, c'est ton morceau préféré. Ah non, mais après la pub, là. Il y a juste un petit break. C'est dans combien de temps, la pub? Non, non, non, moi, je boycotte la pub. Je propose qu'on maintenant, là? Ouais. Eh, les gars. Ah, carrément. Attendez. On met la pub, man. No pub. Mettons la pub et on se reprend. Après, on reparle ensemble. Non, la mondialisation. Non!